OK. Ils me disent, je vous le dis la même. Ils disent que ceux qui s'aimeront ne seront pas séparés. Donc, comprenez ce que vous voulez là-dedans.